gosh. Rien que j'pense à fermer la malle. On m'en a rien à cirer, nous claquer pour faire des rabats. J'passe au check sur M4 et j'fais péter la page. J'vais déterrer la calage, pas déterrer la hache. Faut faire le ménage, cartel comme Sinaloa. Tous des chaînes en or comme à Philadelphie. Sur ma vie, oh non, on fait pas belle araignée. Trois devant les gens, tu dis que j'suis ton ami. On t'a jamais vu ici, on se jure de rester unis. On va brûler les preuves, chiffon dans un bidon. On va se tourner le dos pour une pute ou un million. T'en as j'ai la pure, c'est con, tu sens plus tes dents. Après les putes sont là, on se bute au NSI. J'ai rangé trop d'oseilles, j'étais petit, j'avais R. Range un paquet dans un sac, on était petit avec Chim. On va quitter le pays, au quartier y'a des types qui roulent en Maserati. 30K dans mon VVS, dans mon VVS, tu prends la scène à résine. Dans mon FIF, doigt en l'air pour la vie. Pour ma mère fais ma monnaie, on va te faire assassiner. De là où le ciel est jamais gris. Oh, oh, oh, oh. Puto le hasi, t'as ma mine. J'suis au check et le check est mine. Dieu dans les airs, tu nous connais. Ne donne pas ton cœur, j'vais l'abîmer. J'ai la plus neuve pour la prime. Toi du ruine toute la nuit, ouais. Tout sera libre devant la limace. J'suis rentré quand le jour s'est levé. J'compte mon bénéf dans un pays où y'a pas de pluie. Tu causes des sommes que t'arrangères. Tu fais du cinéma, j'compte mon bénéf avant de dormir. Tu sais c'est comment, y'a des verres, mais à l'abri, j'vois dans les visages. Ternet, on ternet. Comme dans mon 7-up, on ternet. Tous mes refs enfermés. Ta pute m'envoie les trois gouttes en démarre. Plus personne qui joue les killers. Quand il pleut du plomb, j'ai pris le rap et la vida. Profond par le fion, grosse gamme devant la tour. Des lovés pas du love, on tire de la caisse au glas. On fait pas du biba. Coutons le hasi, ferme à minuit. J'suis au check et le check est mine. Dieu dans les airs, tu nous connais. Donne pas ton